السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Donc bienvenue à tous. حياكم الله. Donc comme prévu, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer les cours sur les paraboles du Coran. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre ce cours bénéfique, ainsi que l'ensemble des cours de ce séminaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est très important de connaître le but de ce cours. Et son but, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous, est de comprendre et méditer sur ces paraboles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans le Coran. Car il est impératif pour le musulman de méditer sur le Coran. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de méditer sur le Coran. Il dit dans le verset 82 de Surat An-Nisa: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction rapprochée: ne médite-t-il pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient maintes contradictions. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 24 de Surat Muhammad: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas sur le Coran? Ils ont plutôt sur leur cœur des cadenas. Et les profits concernant la méditation du Coran sont nombreux. Parmi eux, ce qu'a mentionné l'éminent savant Cheikh Abdurrahman Ibn Sa'di, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, dans le tafsir de Surat An-Nisa, il dit, selon la traduction rapprochée de sa parole: avec la méditation du Coran, le serviteur atteindra le degré de la certitude. Je répète, avec la méditation du Coran, le serviteur atteindra le degré de la certitude. Fin de citation. Et prenons ici l'exemple d'un verset qui revient souvent dans notre quotidien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 3 de Sourate le Divorce: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée: celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable et pourvoit à sa subsistance par des voies qu'il n'escomptait pas. Allah suffit largement à qui placera sa confiance en lui. Pourtant, malgré la connaissance de ce verset, malgré qu'on entend beaucoup ce verset, malgré tout ceci, nous avons du mal ou nous avons tendance à plus compter sur les causes que placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la cause à cela, c'est certes, ou parmi les causes à cela, c'est certes un manque de méditation sur ce verset. La méditation du Coran est l'une des sagesses de la révélation du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 29 de Sourate Sad, « Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. » Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction rapprochée, « Ceci est un livre béni que nous t'avons révélé afin que les hommes méditent sur ces versets et que ceux qui sont doués de raison en tirent une exhortation. Prêtez attention à ce verset, car il y a un point très important. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il a mentionné la méditation du Coran. Puis ensuite, il a mentionné le fait d'en tirer une exhortation. Tout ceci pour nous montrer l'importance de méditer sur le Coran. Et l'éminent savant, Cheikh Al-Uthaymin, a dit dans le tefsir de Sourate Sad qu'Allah a mentionné la méditation en premier, car il n'est pas possible de tirer exhortation d'une chose sans savoir le sens qu'elle englobe. Fin de citation. Et ceux qui récitent le Coran, les gens qui récitent le Coran, sont certes nombreux par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceux qui méditent sur le Coran sont beaucoup moins nombreux. Ceux qui méditent sur le Coran sont beaucoup moins nombreux. C'est pour cela que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la méditation du Coran et sa compréhension. Donc nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Le mot parabole, qu'on traduit en arabe par mathal. Sa définition, comme le grand savant Ibn al-Qayyim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, donc il a mentionné que donc la parabole, al-mathal, c'est faire ressembler une chose par une autre chose pour simplifier sa compréhension. C'est le fait de faire ressembler une chose par une autre chose pour simplifier sa compréhension. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné une quarantaine de paraboles dans le Coran. Et il y a dans celle-ci beaucoup de sagesse. Et il y a dans celle-ci une exhortation à tirer. Et la première parabole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, c'est dans le verset 17 à 19 de Sourate Al-Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, il ressemble à un homme qui demande qu'on lui allume un feu. Et lorsqu'il éclaire les alentours, Allah fait disparaître leur lumière et les abandonne dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent revenir de leur égarement. Donc dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les hypocrites sont semblables à une personne qui allume un feu ou qui demande qu'on lui allume un feu. Ceci pour avoir de la lumière. Et lorsque cette personne arrive à obtenir cette lumière et qui pense pouvoir en profiter pleinement, Allah la fait disparaître, c'est-à-dire Allah fait disparaître sa lumière et abandonne cette personne dans les ténèbres et l'obscurité. Ceci car les hypocrites, lorsqu'ils ont montré l'islam et ont vécu avec les musulmans, leur sang et leurs biens étaient illicites et les musulmans les ont traités comme des musulmans. Car comme vous le savez, l'hypocrite est celui qui montre l'islam et cache la mécréance. Donc lorsqu'ils ont vécu avec les musulmans et qu'ils ont prié avec les musulmans, jeûné avec les musulmans se sont comportés avec eux tels des musulmans. Donc les hypocrites ont obtenu une certaine lumière, c'est-à-dire la lumière de l'islam. Ils étaient en sécurité, profiter des bienfaits de l'islam jusqu'à ce que la mort leur vienne. Cette lumière qu'ils ont obtenue dans la vie d'ici-bas en restant avec les musulmans s'est éteinte au moment où ils en avaient le plus besoin. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a abandonnés dans les ténèbres. Allah subhanahu wa ta'ala les a abandonnés dans les ténèbres, dans les ténèbres de la tombe, puis ensuite dans les ténèbres de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Pourtant, dans l'au-delà, ils avaient besoin de cette lumière. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a abandonnés dans les ténèbres. Comme cette personne qui allume un feu ou qui demande qu'on lui allume un feu. Et lorsqu'il obtient ce feu, lorsqu'il obtient cette lumière et qu'il pense pouvoir s'en servir et qu'elle lui sera profitable, Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne dans les ténèbres. L'abandonne dans les ténèbres. Ensuite, après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de certaines caractéristiques des hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent revenir de leur égarement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que les hypocrites sont sourds, c'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas la vérité. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi qu'ils sont muets, c'est-à-dire qu'ils ne prononcent pas des paroles de vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi qu'ils sont aveugles, car ils ne voient pas la vérité. Car ils ne voient pas la vérité. Ensuite, dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne une deuxième parabole. Il dit, subhanahu wa ta'ala, أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Allah سبحانه وتعالى dit selon le sens, selon la traduction rapprochée, ou encore semblable à ceux qui, lorsqu'une forte pluie tombe du ciel, accompagnée de ténèbres, de tonnerres et d'éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, craignant de mourir en entendant la foudre, et Allah cerne les mécréants. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction rapprochée, ou encore semblable à ceux qui, lorsqu'une forte pluie tombe du ciel, accompagné de ténèbres, de tonnerres et d'éclairs. Cette pluie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre du ciel est accompagnée de ténèbres, de tonnerres et d'éclairs. Et l'une des caractéristiques de l'éclair, c'est qu'il illumine. Et l'une des caractéristiques du tonnerre, c'est qu'il effraie. Et comme les savants l'ont mentionné, ce qui est voulu par la pluie dans le verset, c'est le Coran. Ce qui est voulu par la pluie dans ce verset, c'est le Coran. C'est la révélation. Car le Coran fait vivre les cœurs. Et la pluie redonne la vie à la terre morte. Redonne la vie à la terre morte. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos du Coran, wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina. Allah subhanahu wa ta'ala il dit selon la traduction rapprochée, tout comme nous t'avons révélé par notre ordre, tout comme nous t'avons révélé par notre ordre le Coran qui amène la vie. Verset 52, sourate la consultation. Et le Coran comporte la guidée qui illumine la vie du musulman, tout comme l'éclair qui illumine lorsqu'il éclate. Et le Coran englobe aussi une menace et un avertissement qui fait peur à toute personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme le tonnerre qui fait peur aux créatures. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, se mettent les doigts dans les oreilles, craignant de mourir en entendant la foudre. Ceci car les hypocrites, lorsqu'ils entendent les avertissements et menaces qui pèsent sur les mécréants, leur cœur se crispe, et ils bouchent leurs oreilles pour ne rien entendre, et ils se détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, cette manière de faire qu'ont les hypocrites, lorsqu'ils se bouchent les oreilles, lorsqu'ils entendent le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, Cela nous rappelle le comportement de certaines personnes parmi les gens de l'innovation. Lorsque tu vas leur réciter certains versets, leur cœur se crispe. Ils vont même, parfois jusqu'à se boucher les oreilles, ils vont même te demander de réciter autre chose et de ne plus mentionner ce genre de choses. Subhanallah. Prenons par exemple la secte qu'on appelle Al-Jahmiyyah. Et Al-Jahmiyyah, ce sont ceux qui ont renié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont renié les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là, lorsque tu leur récites des versets, par exemple, qui parlent des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se détournent de ces versets. Et tu sens chez eux de la crispation. Et ils vont même parfois aller jusqu'à se boucher les oreilles. Pareil, comme Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah l'a mentionné, pareil pour ceux qui détestent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu leur ramènes des textes où il y a l'éloge des compagnons, alors ils se détournent de ces textes. Et ils ont le cœur crispé, car ils ne veulent pas écouter la vérité. Car ils ne veulent pas écouter la vérité. Alors que le croyant, celui qui est sur la voie d'Allah et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entend n'importe quel verset du Coran, son cœur s'apaise. Et il n'est pas crispé, et il ne se bouge pas les oreilles. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Wallahu muhitum bil kafirin » et Allah cerne les mécréants. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît leur situation. Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qu'ils cachent comme mécréance. Même s'il montre l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala cerne les mécréants. C'est pour ça qu'il dit « Wallahu muhitum bil kafirin » et Allah cerne les mécréants. Donc dans ces deux paraboles, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné et a clarifié la situation des hypocrites. Et on va finir cette intervention par une faïda, c'est-à-dire un profit. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a mentionné bon nombre de paraboles. Comme on l'a mentionné, il a mentionné 40 paraboles. Il a mentionné par exemple des paraboles sur les mécréants. Il a mentionné par exemple des paraboles sur la vie d'ici-bas. Mais la première parabole qu'il mentionne, c'est sur les hypocrites. Tout cela, ya Abdallah, pour te montrer la dangerosité des hypocrites et pour te mettre en garde sur les hypocrites et qu'ils sont sûrement plus dangereux que les mécréants. Car l'hypocrite montre l'islam mais cache la mécréance et donc ils sont plus dangereux pour les musulmans car les musulmans les considèrent comme des musulmans. Donc il y a cela, une mise en garde contre l'hypocrisie et une mise en garde contre les hypocrites. Donc sur ces mots, donc on a fini cette intervention. Et donc demain, Inch'Allah ta'ala, à la même heure, on continuera le cours sur les paraboles du Coran. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter ce mois de Ramadan et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans la parole et dans l'action. Wallahu al-musta'an wa bihi tuklan subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.